On parle des préjugés envers les jeunes. On va parler aussi de décrochage avec au trait d'union. Et puis, j'ai Catherine. Oups, là, j'échappe toutes mes choses en studio. Ça va super bien. Donc, j'ai Catherine Jubainville, intervenante au trait d'union, et Tricia Frenette, qui est... comment est-ce qu'on peut dire ça? Tu bénéficies des services du trait d'union, quoi? Ouais, dans le fond, je suis un jeune qui utilise les services pour pas décrocher, justement. Ben bonjour à vous deux. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, je suis contente de vous recevoir aujourd'hui parce que le côté préjugé, le côté exclusion, tout ça, les différents, je peux pas passer à côté. C'est tout le temps, ça fait partie de ma mission avec cette émission-là, avec ce blog-là aussi. Qu'est-ce que c'est que le trait d'union, si on fait, Catherine, tu pourrais plus me... Comme intervenante, oui. C'est intervenante que t'es... Coordinatrice, OK. Oui. Le trait d'union, notre mission globale, en fait, c'est de développer les compétences personnelles, académiques et sociales des jeunes. On touche une clientèle âgée entre 12 et 30 ans, donc c'est sûr que c'est assez large. Donc, les jeunes qui sont interpellés souvent à prendre nos services, ils vont provenir soit des écoles secondaires, soit qu'ils sont, ils sont expulsés, suspendus, ils vivent de la phobie sociale, de l'anxiété, ou ils ont vécu des fois des dépressions qui font en sorte qu'ils ont de la misère à tenir le rythme de 5 jours semaine. Mm-hmm. Sinon, on va accueillir aussi des jeunes qui sont en formation à distance ou au centre aux adultes. Donc, le 18 à 30 ans, ça va être plus ce genre de jeunes-là qui va fréquenter donc dans la formation à distance. Nous, on a deux services qu'on offre. On offre le service de jour pour lequel, en fait, j'ai été longtemps, je suis encore responsable de mon service. En fait, ce service-là, ce qui est bien, c'est qu'il va accueillir toute la gamme 12-30 ans. Donc, tous les jeunes que j'ai énumérés un peu, ça va être des jeunes qui vont venir de jour. Ils arrivent le matin à 9h30, on leur offre un déjeuner. Mm-hmm. Par la suite, on a toujours deux périodes d'aide aux devoirs le matin, parce qu'il faut pas oublier que notre mission première, c'est l'aide aux devoirs. Okay. Puis, par le biais de l'aide aux devoirs, on va aller travailler différentes compétences personnelles ou sociales. Parce que c'est vraiment axé sur une vie de groupe. Beaucoup, d'où le déjeuner du matin. Là, par la suite, les périodes d'aide aux devoirs sont faites de façon à ce que les jeunes soient jumelés avec des bénévoles ou des stagiaires. Donc, mm-hmm. nos bénévoles sont souvent des anciens, soit des retraités ou des anciens profs ou des gens quand même qui ont une bonne expertise pour aider les jeunes dans leur matière scolaire. Par la suite, on a un dîner discussion. Donc là encore, on travaille la vie de groupe, les habiletés sociales. Tu sais, des fois, je ris un peu avec ça, mais tu sais, celui qui parle trop, d'apprendre à parler moins. Celui qui parle pas assez puis qui s'affirme pas, d'apprendre à s'affirmer en grand groupe. Ouais, les plus introvertis, peut-être les plus avec les extrovertis, puis diminuer un peu la dose. C'est ça, trouver un équilibre. C'est ça. Puis aussi, quand on parle d'équilibre, c'est sûr que c'est le défi du service de jour, c'est d'être capable de réunir des jeunes des fois de 14 avec des jeunes de 19-24, mm-hmm. puis que tout le monde trouve sa place, puis trouve son compte finalement. Fait que c'est bien, puis jusqu'à maintenant, on n'a pas de problème là en général. On réussit vraiment à avoir une belle cohésion de groupe et une belle dynamique. Puis je pense que c'est pour ça que les jeunes se sentent bien aussi. Ben c'est ça, vous formez plus l'équipe plutôt que parce que c'est pas la première fois que je parle de scolarité et d'éducation mm-hmm. à l'émission. J'en avais parlé avec le prof extraterrestre cet été, à la dernière, le 4 septembre dernier, où est-ce que lui, dans sa classe, c'est une équipe. Lui, il veut, c'est vraiment l'équipe, Monsieur Eric, c'est pas une classe. Il dit, de toute façon, une classe, c'est un local. Ça me tente pas de parler à un local. Ouais. Lui, c'était le même qui disait ça. Mm-hmm. Mais le fait de créer l'équipe, c'était la force de cette classe-là. Je pense que vous autres aussi, qu'il y ait de l'entraide, qu'il y ait ceux qui ont peut-être plus de difficultés avec certaines matières, que ça aide ceux qui ont plus de facilité, puis vice-versa, en fait, tout le monde s'entraîne. C'est ça, exactement. Donc, il y a la mission de jour, puis il y en a aussi de soir. Oui. Puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'activités. On va en reparler aussi de certains, mm-hmm. certains volets que vous faites. Toi, Tricia, de ton côté, t'as connu comment au trait d'union? C'est l'école, dans le fond, une intervenante qui s'occupait de moi à l'école, vu que j'allais comme peut-être une journée semaine à mon école. Puis même là, je l'ai fait comme 3 cours sur 4. OK. Puis à un moment donné, elle me dans le fond, on s'est rencontrés dans son bureau, puis elle m'a montré le trait d'union. Elle m'a dit, tu veux-tu qu'on aille visiter? On était visités. Au début, je tripais pas trop. J'étais comme, je pense pas, tu sais. Elle a dit, bon, on va essayer une semaine. J'ai essayé une semaine, mais même après une semaine, j'étais comme, je pense pas que ça va marcher. Mais je suis restée là pareil parce que je le savais que j'allais aimer ça, puis que j'allais comme trouver ma place, puis que ça allait m'aider à être ici. Ben, au trait d'union, en fait. Oui. Mais justement, c'était quoi ces réticences-là? C'est le fait que c'était en groupe ou c'est quoi? Ben, c'est qu'être plusieurs personnes, moi, je pense que ça crée une anxiété, puis j'aime pas trop ça. Tu sais, savoir que je comprends pas nécessairement ce que je fais, ben, je poserai pas de questions parce que justement, j'ai peur d'être la seule qui comprendra pas ça. Puis. Après ça, après une semaine, tu sais, j'avais encore de la misère à poser des questions, mais je voyais les autres qui posaient des questions, puis je le savais qu'à un moment donné, j'allais comme me dégêner un peu, puis finir par poser les questions que j'avais à poser sans avoir peur que les autres comme me jugent, si on veut. Même si t'étais pas sûre au départ, tu voyais là qu'il y avait quand même un côté qui jugeait pas, là. C'était quand même ouvert, puis que... Tu voyais déjà là, la dynamique du groupe, là, dans le fond, c'est ça? Oui, parce que j'ai vu qu'après une semaine, déjà là, j'étais moins gênée de poser des questions qu'au début. C'est vite, là. Oui, fait que je me suis dit, si après une semaine, j'ai comme évolué, si on veut, tu sais, après une année, je vais en poser des questions, là. Mais toi, tu y allais de jour ou de soir? Tu y allais de soir parce que tu allais à l'école de jour? Ou comment ça fonctionne? Non, moi, j'allais de jour, en fait, parce que aller à l'école... ça me stressait trop. Fait que j'y allais comme juste pas. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à pas y aller, aussi bien que je vienne de jour. OK. Puis les services, justement, pour... parce que toi, t'avais quel âge quand tu y as été, Tricia? J'avais 13 ans. OK. Quand on regarde ça, comment ça fonctionne pour, justement, l'aide dans ce cas-là? C'est dans le cas de Tricia, elle avait 13 ans. Elle va au trait d'union le jour. Ouais. C'est quoi? Vous êtes un complément à l'école? Bien, en fait, on est en partenariat. Mm-hmm. Nous, on travaille autant de jour que de soir. On travaille vraiment en partenariat avec les établissements. Okay. Donc, exemple, Roger Comtois nous a approché pour un partenariat. Donc, à ce moment-là, on signe des papiers. Puis, ça reste que la condition pour fréquenter le trait d'union, c'est que le jeune doit être encore attaché à un établissement scolaire. Ah, OK. Donc, c'est il bon peut pas savoir. Venir si il y a plus d'établissement scolaire. Donc, dans le cas de Tricia, ben là, Roger Comtois a accepté notre partenariat. Puis, dans le fond, on fournissait les travaux à Tricia. Moi, je m'assure d'être un bon mentor, un bon guide pour l'amener à cheminer jusqu'à ses examens, être sûr qu'on voit toute la matière. Mais en général, ça va fonctionner comme ça. OK. Fait que c'est vraiment comme une deuxième école sans être une école. Oui. Bien, c'est sûr que nous, on fait de la scolarisation. On est financé par le ministère de l'Éducation aussi. Mais on n'est pas une école puisqu'on n'a pas de professeur. Par contre, tu sais, ça reste qu'on est... Comme Tricia, c'est un excellent exemple. Ça fait quatre ans. C'est ta quatrième, troisième année que tu es avec nous. Puis ça fait déjà 2 ans qu'elle est scolarisée au trait d'union puis qu'elle passe ses années. Puis moi, je regarde ses bulletins puis c'est toujours en augmentation. Puis on parle pas de 60, là. Tu sais, Tricia est capable de donner quand même un bon rendement scolaire autour de 75 à 90. Fait que c'est pas rien quand on parle d'une jeune qui venait qui allait à l'école une fois par semaine puis qui est en échec. Fait que c'est un beau modèle là, de persévérance. Là. Oh, oui, ça, je te l'accorde. Je te lève mon chapeau. Regarde, en tant qu'ancienne timide et toujours une timide, puis qui détestait l'école. Regarde, je parle pas. Là, j'incite pas les jeunes à décrocher. Là. Au contraire, c'est super important. Puis j'en parle souvent ici à l'émission de l'éducation. Quel jeune va... au trait d'union, quel type de jeune? Ça regroupe... Est-ce que c'est des milieux plus pauvres, plus riches? Est-ce qu'on a un mix des deux? Qu'est-ce qui va là? On a de tout, en fait. C'est sûr que... Parce qu'il y a des préjugés là, associés décrochage. Mm-hmm. Là. Souvent, ils vont dire... Souvent, ce qu'on entend, c'est les milieux plus pauvres qui vont décrocher. Ceux qui ont plus d'argent, eux autres décrochent pas, ils vont aller à l'université. Bon, c'est pas tout à fait le cas là, quand on est sur le terrain. Tu peux plus m'en parler? C'est vrai que c'est pas tout à fait le cas. C'est sûr que on a... C'est sûr qu'on a une majeure qui va être plus en situation de pauvreté ou de au niveau financier, c'est plus difficile. Parce que c'est sûr que les gens qui ont des sous, qui sont mieux hantis, vont avoir accès à plus de services, dont les professeurs privés, les cours privés, ces choses-là. Donc ça, c'est sûr que ça peut faciliter. Mais nous, ce qu'on voit dans notre réalité, c'est qu'on a de tout. On a des jeunes qui viennent de familles que ça va très bien au niveau financier, puis d'autres moins, puis il n'y a pas... c'est pas coupé au couteau de dire nous c'est que des gens là défavorisés qui viennent là, c'est pas vrai. On a vraiment un bassin qui est très large de type de jeunes, et là je parle autant de leur situation financière mais autant de leur type de personnalité. Ils sont tous différents, puis il y en a pas un qui se ressemble là. Fait que c'est sûr que oui, c'est très mêlé. Nous autres on aime ça, le monde différent. Ouais. Aussi. sinon, il y a combien de jeunes à peu près par année qui vont au Trait d'Union? De soir, là, j'en ai pas parlé encore de soir, ouais. Mais vite, le service de soir, lui, accueille des jeunes 12-17 ans qui fréquentent à temps plein une école secondaire, puis ils viennent après l'école. Okay. Donc, nous, on offre deux groupes de soir. Donc, un groupe le lundi, mercredi, puis le mardi, jeudi. Mm-hmm. On va accueillir à ce moment-là 10 jeunes dans chaque groupe. Puis j'en profite pour dire qu'il reste de la place pour si jamais là après l'émission vous trouvez que votre jeune ça cadrerait bien, il reste de la place dans le service de soir. On va s'adresser aux parents tantôt, inquiète-toi pas, on va. C'est bon. Puis je vais tout mettre les informations aussi là. Parfait. Puis donc 10 jeunes dans chaque groupe. Plus de jours, là, on peut... c'est 10 jeunes aussi. Sauf que j'ai des jeunes, des fois, qui vont rester une semaine, deux mois. Fait qu'en tout, on peut aller rechercher quand même entre 50 et 60 jeunes par année. C'est énorme, là. C'est beaucoup, oui. C'est énorme parce que vous autres, vous êtes dans Charlebourg, mais est-ce que ça peut être aussi en dehors de Charlebourg? Ou... Oui. Ouais, c'est toute la région de Québec. C'est toute la région de Québec. Oui. OK. Puis, au niveau les parents, est-ce qu'ils accompagnent? Est-ce que toi, ta mère, par exemple, Tricia, est-ce que tes parents ou, tu sais, la famille s'implique-tu? Est-ce qu'ils peuvent s'impliquer aussi? Comment ça fonctionne? Ben oui, en fait, nous, tous nos services sont gratuits. Donc, ce qu'on demande en échange aux parents, c'est que ils participent à deux soupers par an. Donc, c'est un souper d'échange qu'on fait. Donc, c'est congé pour les jeunes. Les parents viennent souper avec nous. Donc, ça permet aussi de ventiler, de discuter, là. Puis pour les parents aussi de se rendre compte des fois qu'ils sont pas seuls à vivre le même type de situation qu'ils vivent à la maison. Oui. Puis sinon, on leur demande aussi une participation à l'Assemblée générale. Puis c'est sûr que nous, notre mandat premier pour faire cheminer un jeune peut être en réussite, c'est la concertation entre tous les acteurs présents dans la vie du jeune. Donc, l'école, si y a un psychologue ou intervenant, on va travailler de pair avec lui. Le parent, bien sûr, on appelle régulièrement comment ça va. Parce que tous les jeunes travaillent des objectifs personnels, puis c'est divisé de façon à ce que ils ont un objectif dans la vie de groupe du Trait d'Union, un objectif plus académique, scolaire, puis un objectif à la maison avec leurs parents. Donc, c'est sûr que nous, on travaille sur tous les niveaux là de la vie du jeune. Fait que dans le fond, c'est d'entourer les jeunes qui vont là le plus possible pour pas qu'ils soient tout seuls. Parce que aussi, là-dedans, on en parlait, comme en pré-entrevue, on parlait aussi qu'il y avait beaucoup de manque d'estime de soi. Qui avait le manque de confiance. Ben, Tricia, déjà, tu disais que t'étais plus une introvertie, dans le fond. T'étais plus... t'aimais pas ça. Puis, t'aimais pas ça, dans le fond, aller à l'école, être entourée, là, de... Pas être entourée, mais le fait de poser des questions. T'étais plus dans... tu te retirais plus du groupe, mettons. Si on pourrait dire ça de même. Ça va aider, là. Ça va... vous sentez pas tout seul, là, au Trait d'Union. Puis... Puis justement, vous aidez les jeunes qui sont qui ont différents comment je peux dire? Comment je pourrais bien dire ça? Qui sont différents, ben oui, ils sont tous différents, mais qui ont différentes problématiques ou différents handicaps quasiment, là. Moi, j'utiliserais pas le terme handicap dans le sens où ce que c'est des jeunes normal. Moi, je fais une comparaison. Je trouve que c'est des jeunes souvent que leur diamant brut intérieur, leur potentiel est brisé. Mais c'est des jeunes qui sont tout à fait normales. C'est juste qu'à un moment donné, quand on vit beaucoup d'échecs ou qu'on a des problèmes d'apprentissage ou qu'on se fait pas confiance, à un moment donné, notre diamant brut, moi j'appelle ça de même, notre potentiel intérieur, il devient brisé à force de vivre ces échecs-là. En fait, nous, le trait d'union, c'est qu'on tend la main à ces jeunes-là pour recoller ces morceaux-là, dire, regarde, on va décortiquer la situation, puis on va te refaire prendre pouvoir sur ton potentiel. Fait qu'ils sont pas différents de toutes les autres jeunes. Non, c'est ça. C'est sont juste, je pense, des fois peut-être brisés. Non, quand je disais handicap, je disais plutôt, des fois, ça peut handicaper. Si on a une question à poser, puis qu'on est trop gêné, moi, ça m'est arrivé plus jeune. Ouais. C'est pour ça, c'est ce côté-là, handicap, je veux. Puis, de toute façon, moi, j'ai... Il n'y a aucun problème sur le terme utilisé. Choisissez le bon terme, il n'y a pas de trouble. Sinon, c'est ça. Au niveau de la confiance en soi, qu'est-ce que vous faites pour... Parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont à aborder. Je regardais sur votre site, il y a de l'écoute, responsabiliser les jeunes. Vous avez des soupers de discussion. Vous avez différents volets aussi pour les activités. Vous voulez vous parler aussi d'intimidation, les préjugés. Ça englobe beaucoup de choses, là. Comment vous faites pour chaque volet? Pour chaque volet, c'est les ateliers qui vont répondre à la majeure. Okay. Les termes abordés. Mais les ateliers fonctionnent comment, c'est ça? De jour, ils ont toujours deux ateliers par semaine, donc les mardis et les jeudis. Le mardi est concentré sur la connaissance de soi. Mm-hmm. Puis les jeudis, c'est plus sur le développement général culturel. Donc on va aller en sortie, on va faire de la cuisine, de l'art, afin de susciter certaines passions, motivations du jeune, intérêt pour que lui, après ça, puisse peut-être trouver des petits passe-temps là, qui vont venir équilibrer. Puis soir, c'est toujours les lundis, mardis. Fait que chaque groupe a un atelier par semaine. C'est la même chose, dans le fond. C'est juste que c'est la connaissance de soi est mêlée avec le développement général culturel. Là. OK. Puis l'intimidation, y en a-tu beaucoup de vos jeunes qui en vivent? Parce que tantôt, tu me disais à Ordon qu'il y en a beaucoup qui disent pas qu'ils viennent au trait d'union, que c'est pas nécessairement affiché parce que il y a des préjugés face à ça. Mm-hmm. Je sais pas si tu peux m'en parler un petit peu plus. Oui, les jeunes en tant que tels, ils sont pas gênés de parler de nous. Parce que souvent, tu sais, on développe vraiment un bon lien, mais souvent, ce que nous, c'est pourquoi on n'est pas affiché avec une grosse pancarte sur le boulevard Henri Bourassa, c'est surtout pour éviter que les jeunes qui fréquentent le trait d'union se fassent étiqueter. Donc, parce qu'on voit encore beaucoup ça, donc des fois, moi, j'ai déjà entendu, check, le jeune, il s'en va à une place de... Tu sais, mais... C'est ça qui est dommage. Le jeune, lui, moi, je le trouve bien plus courageux parce qu'il vient après l'école. Tu sais, il en met des efforts pour sa réussite. Là. Ben oui. C'est des énormes journées. Ben là. Oui. Puis moi-même, des fois, je me ramène à leur âge, comme à l'âge de Tricia. Je me dis, moi, j'aurais-tu fait ça? Je suis même pas sûre. Tu sais, fait que moi, je les trouve courageux puis persévérants. Mais c'est pour ça, pour répondre à la question, c'est sûr que c'est pour ça qu'on s'affiche pas. C'est pour éviter l'étiquetage inutile puis que les jeunes entendent des commentaires, là, qui sont pas obligés nécessairement d'avoir de plus. Là. Mais l'intimidation, ça fait partie. Oui, des jeunes du trait d'union, ils en ont vécu pour la plupart pas à des hauts niveaux, mais tu sais, je pense que ça fait partie un peu qu'à un moment donné, tu manques d'intérêt pour l'école aussi. Puis comment vous gérez ça? L'intimidation, les situations quand un jeune va vous voir ou des fois entre vous autres, est-ce que vous vous aidez entre les jeunes peut-être, Tricia? Moi j'avais un ami puis il m'aidait pas mal là, tu sais, des fois mettons j'allais à l'école puis tu sais je voyais que le monde me regardait bizarre puis tu sais je tripais pas vraiment, tu sais, tout de suite dès que quelqu'un me regardait j'étais comme ah lui il me juge, il le sait, puis j'étais comme un peu parano si on veut, tu sais, tout le monde me jugeait puis j'avais un ami là-bas puis je pouvais y en parler puis tu sais il me disait tu sais il te juge pas toutes là, des fois c'est juste que c'est des personnes de ta classe, ils te voient comme une journée semaine, puis là, ils te voient à l'école, sont comme, pourquoi elle est là, mettons, un mardi, tu sais, ils se posent juste des questions, puis oui, on peut s'aider en jeune, c'est pas tout le monde qui va nécessairement te faire confiance ou qui va te faire confiance tout de suite. Mais tu sais, ça se développe la confiance, puis à un moment donné, ben, ils vont te faire confiance, ils vont t'en parler, ils vont faire « Ah, il se passe ça à l'école, je suis comme pas trop sûre, je devrais réagir comment, je devrais faire quoi, je devrais en parler à qui? » Oui, on sait pas ça, à qui est-ce qu'on en parle dans ce temps-là, on a peur d'en parler aussi. Ouais. Puis j'imagine, dans ton cas, si t'as peur de poser une question, en plus, j'imagine, pour une question mathématique, j'imagine que d'aller poser la question à qui je m'adresse, pour ça doit être tout un défi, là, à un moment donné, là. Ouais, ben au début, souvent, quand il se passait de quoi à l'école ou en dehors de l'école, mm-hmm. j'en parlais pas à personne, puis je gardais vraiment ça pour moi, puis j'étais comme, ben, tu sais, ça va finir par arrêter, puis je me trouvais comme des solutions par moi-même, mais c'était pas tout le temps les meilleures solutions, tu sais. Non, ouais. Puis ben en allant au trait d'union justement, tu sais, j'ai vu que c'était pas grave, tu sais, que d'aller parler à quelqu'un de tes problèmes ou juste des questions que t'as que tu peux pas nécessairement répondre toi-même. Puis là, ben plus que les années avancent, plus que dès que j'ai une question ou que il y a quoi que je comprends pas trop, ben que je peux aller en parler à quelqu'un. Puis que cette personne-là, ben, elle va m'aider. Puis si elle peut pas m'aider, ben, elle va me référer à quelqu'un qui peut m'aider un peu mieux que cette personne-là, dans le fond. Mais dans le fond, t'apprends à faire confiance aussi à certaines personnes, puis à choisir tes personnes à qui tu veux en parler aussi, là. Oui. C'est ce que t'apprends, là, de ce que je vois. Oui. Puis sinon, ceux qui sont de soir, qui vont à l'école de jour, comment vous gérez ça quand il y a de l'intimidation qui est vécue? Parce que ça peut avoir des répercussions sur le décrochage. Ça peut avoir des répercussions sur la vie personnelle des jeunes. Mmh. Fait que quand ils arrivent le soir au trait d'union, comment vous agissez avec? Ben, puis qu'ils auraient vécu de l'intimidation durant la journée. Oh, ben, peu importe, durant la journée, ou des fois c'est tellement minuscule l'intimidation, là, ça paraît même pas pour les autres. Ouais. Ben, c'est sûr qu'au trait d'union, là, dans notre établissement, oui, là, oui. Ça, il n'y en a pas. on n'est vraiment pas très sévère, sauf que là-dessus, moi, en tout cas, personnellement, ça vient vraiment me chercher. Là. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a tolérance zéro. Pour les jeunes qui, exemple, ça arrive souvent quand même que les jeunes arrivent de l'école, puis ils ont vécu des situations, puis tout ça, ben on prend le temps d'en parler. Chaque jeune a un suivi individuel avec un intervenant. Donc, on prend le temps d'en parler. Puis s'il y a des mesures à prendre par rapport à la situation, ben, on va les prendre. Est-ce que vous allez jusqu'à contacter les écoles aussi? Oui, moi, je l'ai déjà fait, contacter l'école, la psychologue, puis de mettre des choses en branle avec les parents aussi, afin que la situation cesse ou trouver des alternatives. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui est difficile avec l'intimidation, c'est qu'il y a de l'intimidation entre les mains de l'école, mais des fois, c'est d'avoir un certain contrôle dans la rue, puis sur Facebook, puis sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ça devient difficile aussi de contrôler tout ça. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'on essaye de travailler beaucoup plus sur le jeune, tu sais, dire au jeune d'y redonner des outils, d'y redonner confiance pour que lui, tu sais, ça le brise pas trop, mais c'est sûr que si la situation, on juge que là, c'est important qu'on réagisse, on va réagir, là. Moi, jamais que je laisserais ça aller, là. Parce que, contrairement à c'est depuis 95 que vous êtes ouvert? 98. Oui. Depuis 98, on s'entend que la cyberintimidation, il n'y en avait pas, là. En 98, là, je pense pas. Facebook n'était pas là. Fait que ça peut aider Facebook à la cyberintimidation, entre autres. Mais moi, je suis là depuis 7 ans, puis je le remarque, là, que la différence aussi entre il y a 7 ans, les jeunes avaient moins de cellulaires, moins accès à Internet, tout ça. C'était d'autres réalités qu'on voyait dans notre milieu à aujourd'hui, qui est complètement différent de 12 ans avec un cellulaire, Internet, tout dessus, là, c'est pas rare. Non, c'est pas rare. Fait que ça, j'imagine. Mais on pourrait en reparler après la pause. Moi, je vous suggère d'aller prendre une pause. Et puis, on a déjà une demi-heure de fait. Oh, ça passe vite. C'est vrai, hein, ce que je dis, ça passe toujours vite aux différents. Mais écoutez, attendez-nous. On va continuer la conversation. Et puis, après la pause, on va parler aussi de cyber-intimidation. On est de retour à l'émission Les Différents, Mélanie Fleurant avec vous pour le restant de l'heure. Reste une demi-heure à l'émission, ça passe tellement vite. On parle aujourd'hui avec les gens d'Au Trait d'Union. On a On a Catherine et on a Tricia. Catherine, qui est coordinatrice, je t'avais rebaptisé le titre, j'ai dit intervenante, mais t'es c'est correct. Mais t'es aussi, est-ce que t'es aussi intervenante? Oui, ben en fait, oui. Je fais de l'intervention auprès des jeunes. J'ai eu un titre là, nouvellement, mais moi, je me mêle. Là. Souvent, je dis intervenante, des fois coordinatrice. Là, c'est pas clair, mais moi, au plus profond de moi, je reste une intervenante. Puis il y a Tricia aussi, que toi, tu es là. Tu es une des jeunes du trait d'union, ouais, dans le fond. Puis on parlait avant la pause de cyber-intimidation. Vous me disiez qu'il n'y en avait pas tant que ça chez vous. Vous faites ça d'une autre façon. Vous autres, vous faites beaucoup de prévention avec la cyber-intimidation. Oui. Bien, en fait, non, c'est pas une majeure, nous, qu'on voit actuellement. Des cas vraiment de cyber-intimidation, j'en ai vu vraiment rarement en ce temps-là, peut-être quelques jeunes, mais c'est pas une majeure, en tout cas. C'est pas le... Ça rassure. Ben c'est rassurant, oui. Mais ça reste que, par exemple, malheureusement, c'est sûr qu'on voit plus d'intimidation physique, verbale dans les écoles. Donc, ça, c'est ça qui est de... Moi, je trouve triste un peu. Là, ça a pas changé. Je pense que ça changera pas ben non plus. Mais nous, oui, pour essayer de contrer la cyber-intimidation, tout ça, mais on fait beaucoup d'ateliers préventifs là-dessus pour outiller, parce que nous, dans notre mentalité, c'est toujours de donner le plus d'outils possible aux jeunes pour qu'ils soient capables d'affronter le plus de situations. Donc, on va faire beaucoup d'ateliers, comme je disais, là, dans nos ateliers du mardi de jour, puis des lundis, mardi de soir, ben ça va être des thèmes qui vont être régulièrement abordés. T'sais. Qui qu'on accepte sur Facebook, à quoi faire attention, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut... Le partage de photos aussi, il y a eu la mode aussi avec l'hypersexualisation, le partage de photos un peu à caractère de nudité, là, mais ça, c'est à faire attention, puis ça reste après ça. Fait que ça, on outille les jeunes. Puis aussi, dans le fond, est-ce que c'est pas... Puis je pose la question, mais tu sais, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais est-ce que ça devrait pas être aux parents aussi d'aider à ce niveau-là, où les parents sont dépassés par Internet? Je veux pas me faire lancer de roche, là. Je pose la question, oui. Mais il y a des parents qui sont très impliqués, puis tu sais, je pense qu'ils sont très proactifs là-dedans. Je pense pas que c'est à cause des parents que les jeunes vont vivre ça, tout ça. C'est sûr que plus on a un contrôle parental sur, dans le fond, ce qui se passe sur leur ordi, puis tout ça... Mm-hmm. C'est sûr que ça facilite, moi, je pense, le contrôle de tout ça. Mais il y a aussi des parents, là, moi, je parle, mettons, si on reparle juste de l'intimidation, là, pure, le verbal, physique, je pense qu'à un moment donné, c'est tellement, des fois, difficile de faire bouger les choses puis d'arrêter la situation que les parents, ils deviennent peut-être démunis dans la situation, puis je les comprends. Mm-hmm. Parce que des fois, c'est dur de se battre contre, contre tout ça, là. On entend... on peut lire dans les journaux, on entend à la radio, souvent on va parler de cas d'intimidation, que les écoles ont rien fait ou ils savent pas par où prendre le problème. Puis vous êtes une autre, vu que vous êtes une alternative en quelque sorte des écoles, que vous êtes là pour soutenir les jeunes, ben j'imagine que vous devez être d'une bonne aide à ces écoles-là ou quoi? Comment ça fonctionne Ben d'une bonne aide, là, je suis pas sûre de comprendre la question. Écoute, je suis tellement pas sûre de ma question non plus, mais ça arrive au moins une fois. Là, je l'ai faite. À chaque semaine, j'ai une question qui est pas claire. Elle vient de passer. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que les écoles, des fois, sont démunies, savent pas par où s'y prendre. Moi, j'ai vu des cas où est-ce que le directeur avait dit aux jeunes... Ben, fait une plainte à la police, mais on peut pas enlever la personne de la classe. Fait que ça peut... Souvent, ces jeunes-là vont se retrouver au trait d'union parce que ça leur tente plus là, d'aller à l'école. Ouais. C'est sûr que l'intimidation, c'est un facteur premier de la démotivation scolaire. Là. Il y en a beaucoup d'autres, mais celui-là, ça en fait partie. C'est comme je disais tantôt, c'est dur des fois... Tu sais, je comprends un peu les écoles là-dessus. Des fois, c'est dur de réagir quand c'est 3-4 élèves qui... Tu sais... Ils en font des interventions, mais est-ce que ça change? Tu sais, le jeune, tu sais, faut que les deux jeunes, à un moment donné, ont le bon vouloir. Puis, des fois, ça va arrêter à l'école, mais ça va se faire ailleurs, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est quand même un enjeu qui est difficile, moi, je trouve, à contrôler. Puis c'est pour ça que au trait d'union, en tout cas, on mise beaucoup sur donner des outils aux jeunes, puis pas se laisser trop briser par la situation, des techniques, justement, pour amoindrir le problème. Tu sais, essayer de trouver là des alternatives. Là. Puis souvent, ben, ça va être des jeunes qui peuvent aussi prendre des temps d'arrêt en venant de jour. Une question comme ça, est-ce que c'est parce que, tu me disais tantôt, 50-60 jeunes à peu près par année, vous avez... Est-ce que, justement, le fait que c'est des plus petits groupes à comparer à une école, ça aide? Vous pouvez voir plus vos jeunes aller, puis évoluer, puis s'il y a quoi que ce soit, ben zéro tolérance, intimidation ou préjugé ou... Bien, c'est sûr qu'à 10 jeunes, c'est sûr qu'à 10 jeunes, la cohésion de groupe, puis Tricia, tu me le diras si je me trompe, mais la cohésion de groupe, je pense qu'elle est bonne. Puis vous trouvez toute votre place. T'sais, quand on est 10, 12, c'est plus facile de trouver sa place en tant que personne. Puis c'est sûr, c'est plus facile de voir l'intimidation quand ça arrive, parce que nous, c'est une toute petite maison. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours un intervenant au pouce carré. T'sais, on rit de ça, mais c'est ben sûr vous êtes que... Vous êtes combien d'intervenants? On est trois intervenants, donc la directrice générale qui est Marie-Pierre Lévesque, ben moi je suis considérée comme une intervenante, Simon-Pierre qui est temps plein, puis Isabelle qui est à temps partiel. Donc on est trois staffs de plancher là, si on peut dire là, pour les jeunes. Dans une maison, ça paraît là. C'est comme, plus nos stagiaires, donc tu sais, c'est sûr. Ok, il y a des stagiaires aussi. Il manque pas d'accompagnement, ça c'est sûr. Puis les bénévoles. En plus, les bénévoles, il y en a combien à peu près parfois? Mettons, les après-midi, vous avez combien de bénévoles pour l'après-midi? Nous, les après-midi, malheureusement, c'est une denrée rare, les bénévoles, parce que souvent, les bénévoles travaillent le jour. Donc, nous, on compte plus sur des stagiaires. Mais de soir, on peut avoir 3 à 4 bénévoles par soir qui quand vont même faire l'aide aux devoirs. Ouais. Assez beaucoup, là. Oui. Pour 10 personnes, toujours le soir aussi? Oui, parce que nous, on essaie toujours que les jeunes aillent de l'aide aux devoirs individualisée, excusez-moi. Donc, 1 pour 2. Fait que même de jour, là, on est rendu pas mal à ça, là. Un stagiaire pour 2 jeunes. Fait que quand on parlait d'intimidation, vous le voyez arriver, vous le voyez pas mal, là. C'est ça, exactement. C'est sûr. Mais puis, comment tu trouves ça, Tricia, d'avoir une personne à côté de toi pour... ben, tu sais, vous êtes 2 élèves, par exemple, 2 étudiants, puis, ben, il y a un bénévole ou un intervenant, puis pour 2, ça doit être motivant d'avoir quelqu'un qui te donne la tape sur l'épaule? Ben moi, ça m'aide beaucoup parce que ça comme m'empêche un peu d'être obligée de lever la main puis de faire comme j'ai une question, je comprends pas. Parce qu'il est là, puis souvent, il vient me dire comme, t'es-tu correct? Est-ce que t'as besoin d'aide? Est-ce que tu comprends tout? Puis j'ai juste à dire, ben non, il y a ça, je comprends pas vraiment. Puis là, ben tu sais, il va venir m'aider, puis j'aurais pas... j'ai comme... désolé. J'ai pas été obligée de lever la main puis faire comme, ben, j'ai comme pas, je comprends pas puis je sais pas, tu sais. Parce qu'il est déjà là puis ça l'aide pas mal, là. Ben, en tout cas, pour moi qui aime pas nécessairement lever ma main, faire genre, j'ai pas compris ce numéro-là, ça m'aide pas mal. Ouais. Puis aussi, c'est tous des jeunes qui sont pareils, tu sais, à l'aide aux devoirs. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait la force, c'est que c'est tous des jeunes qui vivent à peu près la même réalité. Fait qu'à un moment donné, ça devient plus gênant non plus, je pense, de poser ces questions puis de montrer. Puis même, moi, je travaille beaucoup en égalité avec les jeunes. T'sais. Je connais pas toutes. Il y a des choses, j'ai mes forces, puis j'ai mes faiblesses, puis c'est ça aussi qu'on demande aux bénévoles, c'est pas d'être des hyper calés au niveau scolaire, parce que le jeune, à un moment donné, il se rend, souvent, j'en ai fait avec Tricia de l'aide aux devoirs, puis des fois, on était les deux, oh, je pense qu'on connaît pas la réponse, mais dans ce moment-là, on fait, bon, c'est quoi nos stratégies d'attaque par rapport à ça, bon, on va aller fouiller sur Allo, prof, tout ça, fait que ça montre aux jeunes qu'il y a des outils qu'on peut faire, puis finalement... ben tu sais, si moi je le sais pas, peut-être c'est normal qu'elle le sache pas non plus, mais tu sais, ça, il y a des choses que en maths, ouais, bon, ça change aussi là, des fois les matières, il y a certaines matières que ça change tellement. Si je recule le secondaire dans les années 90, le secondaire des années 2000, puis maintenant, c'est tout un monde là aussi avec les réformes, avec tout ça là, ça a changé là, l'école, il y a des nouveaux moi, je suis tellement pas bonne en français. Ben, j'étais bonne en français, mais c'est juste que c'est ça. Il y a certaines affaires qui ont changé, puis qu'à cette heure, je serais peut-être pas aussi bonne que les jeunes aujourd'hui. Non, ça changerait. On parlait aussi qu'il y avait des on parlait de différents sujets que vous abordez? Mm-hmm. Est-ce que c'est pendant les soupers de discussion? Ça, j'aimerais ça, savoir un souper de discussion chez vous, ça se passe comment? Bien, je pourrais peut-être le laisser l'expliquer à Tricia. Moi, je vous laisse les micros ouverts, fait que vous me jasez, vous me dites qu'est-ce que c'est. Ben nous, dans le fond, sur l'heure du dîner, on dîne, puis souvent, il y a une question du dîner, ça peut être... Ça ressemble à quoi, les questions? Ben il y en a qui sont un peu plus bizarres, si on veut, que d'autres, mais tu sais, okay. Ça reste que... Je pense que le but du dîner, c'est juste de parler, donner son point de vue, dire ce qu'on aime moins... Que la question soit un peu bizarre ou pas. Qu'est-ce que t'entends par bizarre? Ben, c'est des fois, ça peut être... T'sais, un exemple, c'est genre, quel légume serais-tu et pourquoi? OK, je comprends la question bizarre. C'est ça, ou genre, quel légume te représente, pourquoi? Ça peut paraître bizarre parce qu'on se compare quand même à un légume. Oui, oui. Mais ça reste que, t'sais, tu dis ce que toi, tu penses, puis ça t'oblige un peu à parler, même si... Tu sais, ça fait comme la question n'a pas vraiment de sens. Puis, elle a peut-être pas de sens, oui, mais en même temps... Mais elle fait parler, en tout cas. C'est ça, tu sais. Tu sais, veux pas, on n'a pas le choix de trouver ça drôle, tu sais, à se comparer à un légume. Fait qu'on prend ça en riant, mais en disant quand même une réponse que... Tu sais, qu'il y a de l'allure, là. Sinon, on parle, des fois, on parle de politique, on peut parler d'enjeux médiatiques. Non. C'est sûr, parler de tous les sujets. Ouais. Parce que c'est sûr qu'on offre quand même 4 dîners par semaine. Fait qu'il faut des fois réinventer les sujets. Mais, tu sais, le but, c'est la connaissance de soi. Tu sais, ça a l'air anodin. Quel légume serais-tu? Mais souvent, il y a une partie de connaissance de soi qui est déguisée derrière ça. Ouais. Tu sais, le médium sert d'intégrer, dans le fond, des, tu sais, je pense, des stratégies d'intervention, là, mais le jeune, il est obligé de penser à qu'est-ce que lui serait, puis pourquoi il se voit comme ça, mettons, ben, pourquoi tu serais une carotte, ben, des fois, c'est, ah, ben, parce que moi, j'ai de l'énergie, fait que c'est plus la couleur, bon, fait que ça fait travailler la connaissance de soi, puis apprendre à être qui qu'on est, puis... Mais tu me parlais aussi, tu me parlais, Catherine, de... qui avait aussi de l'intervention pour aider les jeunes qui sont en qui cherchent des fois leur orientation. Mm-hmm. Les ITS qui sont rendus ITSS, mm-hmm. je pense. Ouais. Parce que là, ça a passé de MTS, ITS à ITSS. Ouais. Là, c'est quoi la vraie description pour ceux qui... Ah, OK. Je viens de te voir. Mais dans le fond, c'est quoi? Mais vous parlez de différents sujets aussi avec les jeunes. Tu me parlais hors d'onde de tout ce qui était orientation sexuelle. Vous les accompagnez à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, là, c'est complet. Là. Vous faites quasiment comme un tuteur frais, là. Oui. Bien, en fait, c'est que le décrochage scolaire ou, dans le fond, la démotivation, moi, je préfère dire démotivation scolaire, faut pas se cacher que la démotivation scolaire, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Puis, quand on a un jeune qui est plus motivé à aller à l'école, c'est que multiples facteurs autour de ce jeune-là qui ne fonctionnent pas. Ça peut être des fois des problèmes de consommation, ça peut être des problèmes familiales, ça peut être des problèmes d'identité sexuelle, ça peut être... Puis là, ça peut être un problème, comme on disait, d'anxiété, d'estime de soi. Donc, ce jeune-là, en fait, quand il arrive au trait d'union... C'est tout plein de préjugés, ça, là, déjà en partant. Ben oui, là. Mais c'est sûr que c'est des jeunes qui sont victimes de préjugés. Puis même nous, des fois, l'appellation décrochage, ça fait peur. C'est pour ça que nous, maintenant, on parle plus en persévérance. Mais comment ça, ça fait peur, décrochage? Parce que tout de suite, dans les années, là, plus, si on regarde 90-98, quand on parlait de décrochage, on va parler souvent de gens qui étaient très marginalisés. Ça rappelle beaucoup à ça. Donc, la marginalisation, la toxicomanie, des personnes qui brassent beaucoup, qui, je rassure, vraiment pas notre majeur de jeunes, mais souvent, c'est ça. Quand on parle de décrochage, ça peut faire peur aux parents. « Ah, ben je veux pas envoyer mes enfants dans une place de décrocheur où mm-hmm. que tout le monde fume de la drogue, mais, tu sais, nous, là, sur... rien de moins, puis hein? je niaise pas, sur peut-être 30 jeunes actuels, si on a un qui a une problématique de toxicomanie, puis tu sais, toxicomanie, on parle de peut-être d'une consommation plus assidue d'alcool ou de potes, là, on parle pas de quand même de drogue dure, c'est beau. Puis même moi, dans les dernières années, dans les derniers 5 ans, ce n'est pas notre problématique majeure. On va beaucoup plus voir phobie sociale, anxiété, dépression. Ça, c'était très actuel présentement. Ah oui. Fait que tu sais, c'est... Fait que des fois, c'est ça, on se fait un peu des préjugés, des idéations là, par rapport au mot décrochage, mais finalement, c'est tous des jeunes tout à fait normal que, mm-hmm. dans le fond, ils vivent juste des réalités difficiles. Mais tu vois, moi, j'aurais pas pensé que, justement, phobie sociale, anxiété, dépression, c'est ouais, dépression, aussi... Oui, oui, oui. Je pensais pas qu'à un si jeune âge, parce que, excuse-moi, là, mais en 12 et 30 ans, c'est quand même... c'est pas vieux, là. Je pensais pas qu'à un si jeune âge, on pouvait vivre toutes ces étapes-là. Je sais, j'en ai parlé la semaine passée de l'anxiété, mais je parlais avec des gens qui étaient quand même plus vieux, qui parlaient de dépression aussi, bon, de phobie sociale. Mais comment vous gérez ça quand c'est de la phobie sociale, puis ils sont en groupe, même si c'est un groupe de 10, des fois, il y en a que plus que deux, ils veulent rien savoir. Bien, c'est sûr que quand on parle de phobie sociale, nous, on parle pas de phobie sociale majeure que le jeune ne veut pas sortir, parce que c'est sûr que... il serait pas au trait d'union, là, mais dans le sens qu'on parle quand même de des jeunes que la vie de groupe, c'est difficile, qui vont souvent avoir tendance à s'isoler, veulent plus aller à l'école à cause qu'ils doivent fréquenter, là, des milieux avec beaucoup, beaucoup de monde. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, bon, on prend petit peu par petit peu, puis on décortique la situation. C'est sûr que de partir d'une grosse école à 1700 élèves, se ramasser au trait d'union avec 10 jeunes, là, on a une méchante différence, on a déjà un bon pas. Puis là, par la suite, on va aller travailler la confiance. Puis on va aller travailler plus, dans le fond, sur sa personnalité, sur quoi il peut s'appuyer pour faire face à tout ça. Puis tu sais, c'est sûr qu'on prend le temps de regarder qu'est-ce qui a amené ça. Tu sais, l'anxiété plus, là, au niveau social, tu sais, c'est-tu de l'intimidation? C'est quoi? Oui. Bien, tu sais, c'est sûr que c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas étonnant quand on regarde notre société actuelle, dans le sens où ce que il y a beaucoup de stress, de performance. Les jeunes sont... Ils ont beaucoup de pression dès au primaire. Si t'es un jeune, en plus, qui a des difficultés d'apprentissage, puis que tu prends du retard, là, la pression vient de doubler si c'est pas de tripler. Fait que là, le jeune, puis là, lui, il vit des échecs. Fait que là, tranquillement, pas vite, il peut un peu se détruire là-dedans. Donc, tu sais, c'est pas étonnant qu'on en soit là à 13, 14, 15 ans. Ouais. Puis aussi, quand on regarde le nombre de TDAH, de diagnostics qui sont sortis, que ça explose, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant entendu parler de ça qu'aujourd'hui. J'imagine ça aussi, ça doit mettre un stress, puis vous devez en voir aussi là dans vos jeunes là, qui en vivent. Ouais, ouais, du trouble de déficit de l'attention là avec ou sans hyperactivité, c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux là, mais c'est sûr qu'on en voit. Moi, je sais pas si c'est à cause que ça fait trop longtemps que je travaille là, mais je trouve pas ça, tu sais, c'est sûr que faut adapter notre intervention en fonction de ces jeunes-là. En fait, c'est qu'ils ont besoin d'adaptation. C'est sûr qu'un jeune, exemple, qui a l'hyperactivité, de le laisser assis pendant une heure et quart, c'est extrêmement difficile pour celui lui. Avec hyperactivité paraît plus que celui sans hyperactivité. Oui. Là. Oui, celui qui est sans hyperactivité va passer souvent sous le radar. Là. Ça va être plus la concentration difficile de se concentrer sur du long terme, va partir dans la lune, ces choses-là. Mais avec hyperactivité, c'est eux qui vont brasser plus parce qu'ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire autre chose. Faut que ça... Fait qu'une heure et quart là, d'aide au devoir, c'est comme terrible, là, puis je les comprends. Oui, mais c'est ça. Ils ont besoin de bouger, puis ils ont besoin... Ça, ils ont un côté hyperactif, c'est normal. Ça. Mais nous, on a des temps de gueule. On va permettre des fois plus de pauses à ces jeunes-là que la normale. Moi, je prends des ententes. Moi, je fais de la zoothérapie aussi. Fait que des fois, j'ai mon chien, j'emmène des bébés, j'ai déjà emmené des poules. Fait que là, prends-toi la poule, puis fais des devants. Fait que là, on va combiner des choses. Mais on a reçu une zoothérapeute cet été, justement, et puis elle me parlait de ça avec les jeunes qui faisaient de l'hyperactivité, par exemple. Ça les aidait, puis elle avait son chien aussi qu'elle travaillait avec. Fait que oui, je suis pas surprise là que ça aide beaucoup là, dans ton cas. En terminant, parce que on est presque à la fin, des conseils pour des parents, en avez-vous? Puis autant de ton côté, Tricia, que du côté de Catherine, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux parents qui voient que peut-être le jeune, ça y tente plus ou moins d'aller à l'école? Ben moi, je pense que je conseillerais aux parents de juste écouter son enfant et puis d'y demander comme pourquoi. Il ne saura pas nécessairement pourquoi il veut pas aller à l'école, mais juste essayer justement avec lui, mettons, aller voir à l'école, aller parler à quelqu'un qui peut s'occuper dans le fond, de ton jeune ou de ton enfant. Essayer de comprendre justement pourquoi il veut pas y aller, pourquoi il est démotivé, essayer de trouver des solutions avec l'enfant, puis dans le fond, juste essayer de le comprendre, puis pas nécessairement faire « Ah ouais, mais là, c'est dans ta tête, t'as juste à y aller, puis regarde, c'est pas tout le monde qui te regarde, c'est pas tout le monde qui te juge. » C'est pas... Juste essayer de le comprendre, puis pas, genre, être contre lui, si on veut, tu sais. Mm-hmm. Faut que tu sois avec lui, puis que tu le soutiennes là-dedans. Là, parce d'essayer que de mettre ses souliers. C'est ça, c'est pas tout le temps facile. T'sais. Surtout s'il faut que tu vives ça toute seule, c'est encore moins facile. Fait que d'avoir un parent sur qui s'appuyer. Non, mais je pose cette question-là parce qu'il y a sûrement des parents qui sont à l'écoute, qui vont se reconnaître ou qui vont reconnaître leurs jeunes. Fait que c'est pour ça que je te pose aussi la question. Oui. Hey, merci. De rien. Du côté de Catherine, toi. Oui, ben c'est sûr que je suis un peu d'accord avec Tricia de prendre le temps d'identifier qu'est-ce que le jeune vit, s'outiller rapidement, donc s'entourer. Des fois, d'aller rapidement rencontrer les professeurs ou les gens à l'école, tout ça. C'est sûr que, tu sais, c'est dans la communication, mais d'aller vers des ressources comme le nôtre, si le jeune aussi vit des problématiques. Mais moi, c'est sûr que je pense que c'est toujours en lien avec le lien de confiance puis la communication avec le jeune. Mm-hmm. Puis pas trop d'attendre non plus avant de réagir. Parce que la démotivation, si le jeune, exemple, des fois, il lâche l'école, il trouve un travail, ou là, ça peut être plus difficile de revenir en arrière. Donc, des fois, de pas y mettre de pression, d'essayer de comprendre son enfant, mais en même temps, de pas trop attendre non plus qu'il soit rendu loin dans sa démotivation, là. OK. Puis, dans le fond, vos ressources sont quand même disponibles aussi dans les écoles pour ceux qui voudraient des renseignements sur le trait d'union? Oui, mais c'est sûr que c'est toujours mieux via le site Internet. Directement. Ouais. Oui, le site Internet, c'est autraitdunion.org. C'est ça, exactement. Et puis, vous avez justement, là, en terminant, il y a un souper cocktail le 20 octobre prochain. Attendez, c'est quoi le 20 octobre prochain? Est-ce que c'est un le souper? C'est un cocktail dînatoire et un camp bénéfice. Bon, je t'ai tout organisé ça. J'ai tout dit les mots dans le mauvais ordre. C'est donc, pas grave. C'est un cocktail dînatoire. Oui. Donc, il va y avoir la présence de P.A. Méthode, Jean-Michel Anctil à notre soirée. Jean-Michel Anctil, je pense qu'il est votre porte-parole. C'est notre porte-parole, oui, qui est là depuis la création de la maison et qui nous soutient encore énormément. Puis on lui en remercie. Puis c'est ça, c'est, dans le fond, c'est sous forme, c'est 40$ le billet. C'est vraiment une levée de fonds pour que nous, on puisse maintenir nos services avec les jeunes. Donc, à 40$, vous avez, dans le fond, l'accès au cocktail qui est débouché assez bourré. Là, on a plus faim après. Par la suite, parce que des fois, cocktail, ça sonne petite bouchée, on va avoir faim, là, mais non. Nous, on s'est assuré qu'on non, a faim. Non, c'est toute la soirée, là, ça dure, je regardais l'horaire, c'est jusqu'à quoi, 9h30-10h? Oui, le cocktail est de 5 à 7h30 environ, donc petite bouchée, vous avez une consommation d'alcool aussi, ou non alcoolisé, là, dans le billet, puis l'entrée à l'encan, donc l'encan va être de 7h30 à aller jusqu'à, là, peut-être 9h30-10h, donc donc, le principe d'un encan, c'est qu'on achète des billets à 2 ou à 5 $ mm-hmm. Autant qu'on veut. Puis par la suite, là, il y a des cadeaux sur des tables. Puis quand notre billet est pigé, on peut aller choisir le cadeau de notre choix. Okay. Donc, sur la table. Donc, on peut mettre 20 $ de billets puis remporter, comme exemple, là, on a des télés 40 pouces, une table tournante, tout ça. Fait qu'on peut acheter 20 $ de billets seulement puis remporter ou vice-versa. Puis ça se fait où? C'est au marché Jean Talon. Donc, c'est anciennement le Clap, là, le pub sympathique. C'est rendu le Bûcher. Donc, ça se fait au Bûcher. OK. Donc, ça, c'est dans le... Dans le marché Jean Talon. Okay. Il y a une porte extérieure, par contre, là, qui donne accès au restaurant Le Bûcher. OK. Donc, puis si on veut de l'information, on peut appeler au Trait d'Union. Au Trait d'Union, oui. Oui. Puis, site Internet, Facebook... donc, le Facebook, c'est au Trait d'Union aussi. Puis, c'est ça, si les gens ont besoin de différentes informations, soit pour l'aide aux devoirs, que je disais tantôt qu'il reste la place, pour le service de soir. Donc, des jeunes, des fois... Donc, vous cherchez des bénévoles aussi? Aussi, de jour et de soir. OK, des bénévoles de jour, des aides. Fait dans le fond, là, si vous avez toutes les questions... Moi, ce que je peux faire aussi, je vais le mettre sur la page Facebook, les différents en plus de votre site. Parfait. Donc, déjà là, écoutez, c'est déjà tout. On est rendu à la fin. Ça a passé vraiment trop vite. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci Catherine. Merci Tricia. Les deux du Trait d'Union, au Trait d'Union, ouais, parce que le Trait d'Union qui existe, mais c'est pas dans la bonne place. Non, c'est pas dans la bonne ville. merci beaucoup. Puis, j'espère qu'on va avoir aidé des parents ou des jeunes qui écoutaient, puis que qui décrocheront pas, qui vont pouvoir persévérer au niveau scolaire, puis qu'on va pouvoir comprendre plus là, leur réalité. Ouais. Merci à vous deux. Merci. Merci. Ben écoutez, moi c'est tout. De mon côté, les différents, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Les Différents, comme je vous ai dit. Et si vous avez des questions pour nos invités, vous pouvez toujours me laisser les questions, si vous voulez. Ça peut même être en message privé, il n'y a aucun problème. La semaine prochaine, on va recevoir, on reste dans le milieu de l'éducation, c'est Alphabeille à Vanier qui va venir nous parler d'alphabétisation. Comment c'est vivre avec, eux, dans ce cas-là, quand je leur ai parlé, oui, c'est un handicap. Dans ce cas-là, c'est, on ne sait pas toujours lire ou très bien lire, on ne sait pas écrire ou à peu près pas. Calculer, faire un budget. Pensez à toutes les tâches que vous faites dans une journée. Où est-ce que vous avez besoin de lire, d'écrire, de calculer ou même d'aller sur l'informatique. Donc, sur Internet, par exemple. Donc, ces gens-là, vendredi prochain, vont venir m'en parler. Et eux, en plus, il y a déjà un documentaire qui a été fait. Ils ont monté, ils ont fait un livre. Donc, ils ont pris des gens qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Et puis, au bout de la ligne, ben ils ont fait un livre. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Et puis, ben écoutez, c'est tout pour moi. Comme je vous dis, vous pouvez me suivre sur la page Facebook Les Différents. Sinon, ben écoutez, on se retrouve vendredi prochain. Si vous voulez réécouter les émissions, c'est sur ckrl.qc.ca. Et puis, ben passez une belle semaine. Soyez différents. Osez être différents. Bye-bye.